Il est 19h, passé de 3 petites minutes, vous êtes bien à l'écoute de Fadjet. 4 bientôt. Et voici, ça ira mieux demain. Il y a quelqu'un ? Salut. Pourquoi t'es venu ici ? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission ! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. J'adore ce générique. Je dois le dire, je vous le dis carrément, comme je le pense, j'adore ce générique. Au programme aujourd'hui, Manon. Manon va nous parler de The Night Agent, parce que The Night Agent, c'est la série du futur. C'est la série dont on va parler pendant des années, car nous avons trouvé notre nouveau Jack Bauer. Il s'appelle Peter Sutherland. C'est bien. C'est fou. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Peter. Sutherland ? Oui, c'est ça. Il a le même nom de famille ? Ah, c'est ça, il s'appelle oui, Peter. C'est ça. C'est très drôle. On a retrouvé notre Jack Bauer. Et ils l'ont appelé Peter Sutherland. Bref, ça sera pour tout à l'heure. C'est le nom de l'acteur ou du personnage ? Non, c'est le nom de l'acteur. C'est le nom du personnage, pardon. Ils l'ont appelé Peter Sutherland. Eh oui. Ouais. Elle est forte, celle-là. Elle est forte, celle-là, comme dirait l'autre. L'acteur, c'est Gabriel Basso. Voilà. Alors, peu connu, hein. Peu connu, mais qui là il va devenir ah bah c'est clair. Il va devenir une star. Il était cowboy quand il était petit. Pourquoi? J'ai pas dit lasso, j'ai dit basso. Bien, on n'est pas sorti. En attendant, je vous parlerai d'Unstable également. Attention, Unstable veut dire instable en anglais et c'est une série comique que on peut voir sur Netflix. Attention, c'est plutôt sympa. Ce sera le parloir. Et tout de suite, on commence sans plus attendre. Laurent aime l'Eurovision. Laurent aime la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision. Qui est Manon? Qui va représenter la France à l'Eurovision? Oui. Laurent, s'il te plaît. Lazara. Lazara, avec cette superbe chanson qui c'est Manon, toujours pas. Non. Laurent, la chanson. Évidemment. Elle n'est pas favorite. Moi, je vous présente la chanson qui actuellement est la favorite. Là, il y a un blanc. Tu vas quand même appuyer sur le bouton. Bah, écoute, je vais aller aux toilettes. Elle est suédoise. Je vais aller faire pipi. Et c'est vrai, quand on est suédois, on a déjà une forte probabilité de pouvoir remporter l'Eurovision. Et voilà la chanson qui, pour l'instant, est favorite. Mais bon, il y en avait une autre qui était favorite avant. Là, c'est celle-là. Ça peut encore changer. Notre ami Lazara est dans les 10-12e. C'est plutôt pas trop mal. Hein, et en général, 28, est-ce que 30. Les favoris gagnent? Très rarement. Ah, non. Souvent quand même. Souvent, ah, c'est. Manon n'est pas d'accord. Oui, je suis pas d'accord du tout. Hein. Développe. Oui. Bah, ta chanson là, que tu chantais tout le temps, là, les Irlandais ou je sais pas quoi. Hein? Non, c'était pas les Irlandais. Non, c'était pas ça. Ah bah ils étaient favoris, ils ont gagné. Hein. Non, ils étaient pas favoris. Les Islandais. Islandais, voilà. Ouais, ils étaient. S'ils ont, oui, ils ont pas gagné, c'est vrai. Ah, alors donc ça ne veut rien dire. Ils voilà, exactement. Gagné, mais voilà. Donc on va découvrir une chanson dans Ça ira mieux demain qui va tomber dans l'oubli. Pouf. Mais par contre, Lazara, on la gardera. Ben voilà. Donc voici Laurine, ça s'appelle Tatou. Laurine, rien à voir avec Sandra. Non, mais c'est Tatou. Stars align, then I'll be there. No one will care. Non, je me fiche de tout, parce que tout ce que je veux, c'est être aimé, et tout ce qui m'importe, c'est toi, tu es coulé sur moi comme un tatouage. Alors, j'aurais une question. Oui, c'était les paroles, je faisais le refrain en français, parce que Manon me demandait ce que ça voulait dire les paroles. Ok, voilà. Merci. Une question de Laurent. Une question de Laurent, de Nancy. Est-il possible, toi qui vas à chaque été en vacances du côté de Sète, sur les plateaux de tournage de Demain nous appartient? Oui. Hein, toujours en train de se prendre en photo avec les vedettes. Oh, c'est surtout moi. Ouais. Oui. Est-il possible de leur proposer cette chanson-là? Parce qu'on a aussi des... et on pourrait mettre ce morceau-là en générique. Ah, exact. Après, on s'est bien trouvé. J'avais pas vu. Oh, bien, hein, joli. Ah oui. Ah, ouh. Ça serait plus... Ah oui, c'est du Vianney. Hein, tu veux dire qu'ils ont piqué les ou de Vianney. Oh. Bah, ou à Amir, à Thomas, c'est vrai que les ou en ce moment, c'est très à la mode. C'est assez tonique quand même, c'est une petite ritournelle. Oui, mais ça vaut pas la Zara. Oui, enfin, voilà, enfin en tout cas, on en reparlera au mois de mai. Tu ne pourras pas dire que tu ne connais pas Laurine. Ah, je pourrais pas le dire. Et en plus, c'est Monsieur Haute 40 qui me l'a proposé, donc... C'est rentré dans mes oreilles. Voilà, en voilà déjà deux, on en a déjà entendu deux de l'Eurovision. Voilà, c'est déjà un bon début. Un bon début. Allez, sans transition, le parloir. Si je peux me permettre, oui, à la fin, on pourra éviter d'écouter la soirée de l'Eurovision, on aura tout écouté. Non, mais on n'écoutera pas tout. On ira juste attendre les points. Et voilà, c'est surtout ça le plus long. Parce que les points, c'est toujours long. Enfin, ça va plus vite maintenant, mais bon. One points. En attendant, voici le parloir. Là, le parloir, on rigole, on s'amuse. C'est unstable et en plus, on va faire de l'anglais parce que... Il n'y a pas les sous-titres. Moi qui ai fait anglais en playback, comment je vais pouvoir rigoler? T'es quand même de très mauvaise langue parce que... Quand je te disais, j'ai dit, des fois j'ai des séries et j'arrive pas à trouver les bandes annonces en français. Tu me disais, c'est pas grave, mais elle est en anglais. Alors là, j'ai dit, j'y trouve pas, donc du coup, je vais le mettre en anglais. Puis là, encore ? C'est quand même de la mauvaise foi, excusez-moi. Mais quelle pudaise ! On règle nos comptes à l'antenne, mais quand même. Je parle pas de toi, Benoît, je parle de moi-même. Ah oui, mais quelle punaise, cet animateur ! Voilà. Donc là, je suis désolé. Alors, j'ai même essayé, tu vois, pour te dire quand même, comme je t'écoute, d'essayer de moi-même. De faire des sous-titres, enfin de faire comme si la bande-annonce était doublée. C'était vraiment trop nul. Parce que comme il y a des hommes et des femmes, fallait que je fasse chanter ma voix, c'était... Voilà. Ça pourrait être drôle. Ça aurait été drôle, Benoît. Mais du coup. C'est dommage. Du coup, on peut pas voir les rushs. Non, j'ai tout effacé parce que j'ai perdu un quart d'heure pour rien. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire, mais bon. C'était pas. Voilà. Ça pourrait être un concept d'émission. Prendre des bandes annonces originales et faire les sous-titres. Ça pourrait faire une émission. Bon, il est trop tard. Allons-y. On va passer à la chanson suivante. Voici Unstable, le parloir. Ça ira mieux demain. L'émission! Je vous emmène aujourd'hui dans The House of Dragon, la maison du dragon. Mais rien à voir avec les bêtes cracheurs de feu de la série d'HBO, puisqu'il s'agit d'une série comique de Netflix ayant comme personnage principal Ellis Dragon. Le géant du streaming poursuit sa production de série comique dans l'espoir de parvenir à mettre en scène son propre Big Bang Theory ou encore... How I Met Your Mother. Avec Unstable, l'entreprise américaine a mis le paquet pour tenter de rattraper son retard. D'abord, avec le casting, Puis Scan Stable est une série avec Rob Lowe, mais pas que, puisqu'on y retrouve aussi son fils. Une série créée par Victor Fresco, John Owen Lowe, le fils donc, et Rob Lowe lui-même. Unstable nous plonge dans le quotidien d'Elise, le dirigeant d'une entreprise technologique qui vaut plusieurs milliards de dollars. Ce dernier a perdu son épouse il y a environ un mois et essaye de faire son deuil tant bien que mal. Le problème est qu'il inquiète fortement les actionnaires de son entreprise car il est devenu très instable, d'où le nom de la série. Au lieu de rester chez lui, Ellie commence à faire des activités assez étranges sur son lieu de travail, comme bronzer totalement nu dans son bureau ou encore adopter un faucon domestique. Ne sachant pas vraiment comment réagir, l'une des employées d'Ellie demande à son fils de venir aider son père en espérant qu'il pourrait éventuellement reprendre les rênes de l'entreprise. Le seul problème et que son fils, âgé de 28 ans, a pour seule corde à son arc une modeste carrière de flûtiste à New York. What is science? Wrong. I'm the man who created the bruiseless avocado. The legend, Ellis Dragon. Am I crazy? They called Nikola Tesla crazy. Tesla did lose his mind and fall in love with one of his pigeons, which I would never do, although I do have a hawk. But I'm not attracted to it. Have you spoken to your dad since your mom's memorial? Ellis is spiraling. Come to LA and help get him back in the lab. You'll regret it. Don't you mean I won't regret it? I'm lowering your expectations so you won't be disappointed. Oh my God. All my dad ever does is try to change me into being more like him. I want you to be exactly a version of you. A version of me. You, but with some tweaks. We're in big trouble. There's an emergency board meeting tonight, and I think it's to oust you. It was supposed to be yesterday, but you were too busy. Oh, God. Bounding about your office, dick out, balls in the breeze. What's so wrong with being more like me? There's enough you in the world already. You're like the sun. People get sucked into your orbit. Do you really think I'm like the sun? That helps things grow. You're a child. As soon as I said sun, I knew I should have chosen something else. Tell me how to help you. I can't just problem solve anymore. I need to feel excited. I need to feel inspired. Maybe going to Spain. Ooh, Ibiza? The cradle of civilization. It's where they invented the DJ. No, just don't. Time to slay the dragon. You need to stop going after Ellis. Never. Scoff. Did you just say scoff? That's how you scoff. No, it's not. Scoff? Yeah, I'm the idiot here. I didn't want to disappoint you. The only way to let someone down is by giving up. Oh, my son. My dad, he's eccentric. That brain of his is what makes him a brilliant, right? Kind, friendship, innovator that thinks mankind is capable of great things. I walked a mile in your shoes today, Jackson. I lived in the shadow of a god. Oh, nice. You almost made it through a whole day without comparing yourself to a god. I'm really excited to try the butt stuff you taught me. No, it's not butt stuff. In the classic sense, it's more of a way of using your butt to make you feel good. Mm-mm. Like a way of using your butt to help you achieve? God damn it, Dad. I'm a scat man. I'm a scat man. Portée par Rob Lowe, célèbre pour son rôle de producteur dans Wayne's World, la série Unstable est née de la relation que l'acteur a avec son propre fils, John Owen Lowe, qui aime le troller sur les réseaux sociaux. Ils sont donc les auteurs du scénario de la série avec Victor Fresco, le créateur de la série Santa Clarita Diet, que Netflix a malheureusement annulée avant la fin. C'est peut-être un peu pour s'excuser qu'ils ont commandé directement une saison complète de 8 épisodes au fameux trio. Reste à savoir si le succès sera cette fois au rendez-vous. Revu tout récemment dans le film Chien perdu, Rob Lowe avait déjà tourné avec son fils John Owen dans le film Un safari pour Noël sur Netflix en 2019. Ils seront entourés dans cette série de Sean Clifford, connu pour son rôle de Fleabag, Fred Armisen, l'oncle Fester de la série Mercredi, J.T. Parr, héros de la série de Canular, Chan et J.T. Godep, et Chris Aquilino, qui était dans la série Silicon Valley, et Rachel Warch, vue dans la série De l'autre côté. Said you can't hide on the inside all the pain you've ever felt. Ransom my heart, but baby, don't look back, 'cause we got nobody else. We're running with the shadows on the night, so baby, take my hand, you'll be alright. Surrender all your dreams to me. La musique mélange de créations signées Sven Falconer et Mark Foster et de tubes planétaires comme Scatman Jones ou Walking on Sunshine rythme les épisodes avec bienveillance. I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself down. I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. And don't it feel good? Don't it feel good? I used to think maybe you loved me. Now I know that it's true. For a day. No, no. Don't it feel good? Walking on sunshine. Walking on sunshine, baby. I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. Well, don't it feel good? Cette période morose, ceux qui ont besoin de rire en ce moment ne devraient pas rater cette occasion de se distraire devant Unstable. La série reste sur un terrain facile où le père et le fils s'amusent à l'écran comme dans leur vie de tous les jours. Cela transpire à l'écran. Et rien que pour cela, la série mérite d'avoir un beau succès et de poursuivre sa carrière avec une saison 2. Mais même si la critique américaine salue la série en la trouvant percutante et diablement drôle. Et c'est vous, derrière vos écrans, qui aurez le dernier mot. Mais personnellement, je vote pour. J'adore ce petit générique aussi. C'est le générique de la série. C'est beau. Voilà, franchement, je vous la conseille. C'est drôle, c'est divertissant, et voilà, ça n'a pas d'autre mérite, mais voilà. Ça fait un peu penser à un poisson nommé Vanda. Ouais, oui, c'est... Voilà, C'est vrai que c'est très drôle, c'est très fin. Tout de suite, nous parlons... Ah, oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, tiens, on s'est endormi. On va se réveiller. Non. Tout de suite, sans plus attendre, parce qu'il est déjà 19h27, mais je veux quand même qu'on écoute Oliver Elden, c'est 10 out of 10, 10 out of 10, le nouveau Kylie Minogue, qui est sorti hier. C'est un sacré titre, ça. Tu peux le redonner ? 10 out of 10. Oh, dis donc. Un accent anglais, waouh. Merci Manon. Allez, The Night Agent, c'est 25 ans de radio. C'est la série du moment. Il n'y a pas mieux pour. Y a pas mieux actuellement. Et Manon va nous en parler un petit peu. On est en cours, on n'a pas fini. Hein. On aurait voulu avoir fini pour aujourd'hui, mais la vie étant ce qu'elle est, hein, nous ne sommes qu'au 6e épisode. Il y en reste donc 4. Mais sincèrement, c'est. Et je m'adresse à Laurent, là. Tout le monde lui compare à cela, mais on a trouvé le nouveau Jack Bauer. C'est vrai. C'est du 24 heures chrono dans les années relooké. Voilà, il n'y a pas le compteur, mais il a aussi. Plus les épisodes passent, plus il a le talent de Jack Bauer. Hein. C'est un Jack Bauer en renaissance ou en devenir ? En renaissance et en devenir également, dans un autre style, mais voilà, ça marche bien. Hein, n'est-ce pas, ma chère Manon ? Très, très bien, même. Alors, ça raconte quoi rapidement ? Alors, c'est l'histoire de Peter, qui est enfermé au sous-sol de la Maison Blanche et qui doit répondre à un appel, si jamais il y a, sur la ligne. Mais ce téléphone, il ne sonne jamais, hein, en vérité, voilà. Mais, comme par hasard, un jour, eh ben, il va sonner et c'est là que va commencer cette histoire. Effectivement, mais il y a un petit... Donc le mec, il n'est pas balayeur, il ne fait pas les carreaux, il ne passe pas l'aspirateur, mais il ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est un agent... Un agent secret. Un agent secret qui a quand même fait un acte héroïque, c'est-à-dire qu'il n'était pas en mission et il va arrêter quelqu'un qui allait mettre une bombe dans le métro. Et donc, il va faire un acte héroïque. Et donc, il va être blessé. Et une fois qu'il sera remis, la présidente le nommera à ce poste pour le remercier. Donc, à être assis à un téléphone en attendant qu'il sonne. Donc, il est handicapé, c'est pour non, ça non, qu'il... Non, pas du tout. Ah, non. Donc, une fois qu'il est rétabli, bonjour. Mais c'est l'histoire avec son père aussi. Bah, bonjour, le cadeau. Effectivement, parce qu'il le met au sous-sol avec un téléphone. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... Son père était un peu un traître. Donc, à un moment donné, il était agent secret aussi. Ah, mais son père n'a pas été accusé d'avoir mis la bombe, justement, dans le métro ? Oui, enfin, voilà, c'est... Il, voilà, c'est il, a, il est accusé d'être un traître, mais lui, par cet acte héroïque, eh bien, il est un peu réhabilité. Il réhabilite un peu la famille, sauf que on le fout à la cave. Enfin, à la cave, non. Enfin, quelque part, si quand un peu. Au sous-sol. Au sous-sol. Voilà. Et donc, il doit attendre. Et le jour, un jour, à un moment donné, le téléphone va sonner. Et au bout du fil, il y a Rose. Alors, on avait Leonardo Caprio dans le Titanic. Et donc, là, on prend Rose. Donc, c'est l'héroïne. Et donc, on a Jack Bauer qui devient... Peter et Rose, attention, pas Peter et Sloane, Peter et Rose. Ouais, vaut mieux pas. Hein, l'histoire est pas belle. Hein. Et c'est ce couple qui se forme et qui va donc vivre plein d'aventures parce qu'on va évidemment pas arrêter de leur courir après pour essayer de les tuer, évidemment. Donc le point de départ de la série, c'est ça. Voilà. Donc je sais pertinemment que régulièrement, les dirigeants de TF1 écoutent Ça ira mieux demain. Donc si vous pouviez donner un peu de cette idée aux scénaristes de vos séries, pour éviter d'avoir une personne qui est partie, qui revienne, avoir quelqu'un qui fait un geste héroïque et qui est remercié, ça pourrait être pas mal. Hein. Oui, bon. Apporter du sang neuf dans les scénarios. Sauf qu'après, ça tire pas mal. Hein. C'est un peu comme dans Jack Bauer. Hein. Il faut pas être sur sa... Il faut pas être sur sa ligne de mire parce qu'à côté, les copains, les copines, les amis, ta-ta-ta-ta-ta, boum, boum, boum. Hein. Ah, il fait pas de quartier. Enfin, pas lui, hein, mais tous ceux qui tirent pour l'atteindre. Ok. Alors, un chiffre, Manon, parce qu'il faut donner un chiffre. En 15 jours... 5. Alors, j'ai pas le chiffre là, mais moi, j'ai en 4 jours, 168 millions d'heures de vues. Mais en deux semaines, là, on est à 360, je sais plus combien, là. Pas exactement. C'est un véritable carton, puisque. 385 millions d'heures de visionnage. Voilà. Netflix a déjà commandé une saison 2. Exactement. À quelques jours près. Avant même, quasiment. Enfin, elle les avait quasiment déjà signées, mais elle l'a annoncé après la première ou la deuxième journée, un énorme carton, effectivement. Donc, à ne pas rater cette série The Night. Agent sur Netflix. Des épisodes qui varient entre 50, 40 et 60 minutes. Il y en a un 50 minutes. Alors donc c'est l'agent de la nuit, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est parce qu'il travaillait la nuit dans les sous-sols? Oui, c'est ça. C'est parce que la série se déroule la nuit? Non, c'est parce que effectivement il était au téléphone la nuit. Okay. Il prenait sa mission vers 22h jusqu'à 6h du matin. Voilà, c'était sa mission de répondre au téléphone. C'était obligé de sortir du sous-sol pour faire une série. À ne pas rater sur Netflix. Salutations, scénariste. Effectivement, la série du moment. On va se quitter parce qu'il est quasiment 19h33. Nous, on a récupéré nos 3 minutes qu'on avait perdues. Et on va se quitter avec le nouveau Kylie Minogue qui s'appelle 10 out of 10. Et on va vous souhaiter de très très bonnes fêtes de Pâques en attendant de se retrouver vendredi prochain. Bon week-end. Bon week-end. Et moi, bonne je vous Pâques. Retrouve dans un quart dans moins de 30 minutes pour le Hot 40. Voilà. Quel talent. Bye bye.